C'est Exocet, l'émission de l'étrange, du bizarre et du décalé sur Rage. Ce soir, je ne suis pas seul. D'ailleurs, je ne suis jamais seul puisqu'il y a Mika avec moi. Mais ce soir, je ne serai pas seul pour parler. Je ne serai pas seul pour parler d'histoires étranges puisque Thomas nous a rejoint ce soir. Ben salut tout le monde. Bonsoir Thomas. Et bizarrement, ça me rappelle une autre émission, cette configuration. Enfin bref, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Thomas est venu à la. Oui, peut-être. Thomas est venu à la rescousse parce que finalement, préparer tous ces sujets pour Exocet tout seul, vendredi après vendredi, c'est parfois un petit peu lourd et difficile parce qu'il y a de moins en moins de sujets après tout. Donc Thomas est venu m'aider pour parler de fantômes. Ah, nous allons parler de fantômes ce soir dans Exocet. Et c'était la première fois qu'on en parlait. Alors j'ai hésité à ramener des petits EVP. Hein, les EVP, non. Les EVP, c'est donc ces enregistrements sur bande magnétique de fantômes hein, qu'on entend dans les émissions du genre de mystère à l'époque. Et c'est le genre de truc qui fait toujours un petit peu flipper. J'en ai pas ramené, peut-être dans une prochaine émission. C'est le genre de truc qui fait en tapis sonore. Et il y a des gens qui prétendent donc entendre la voix des morts dans ces. D'ailleurs, ils ont fait un film récemment, La Voix des Morts. Avec Michael Keaton. Facile. Voilà. Et donc ce soir, il n'y en aura pas. Par contre, il y aura de belles histoires. Des histoires de fantômes. Et je commencerai avec une histoire fondatrice, puisque il s'agit donc du fantôme le plus célèbre de l'histoire. En tout cas, la photo. C'est la photo de fantôme la plus connue du monde. Et c'est aussi la photo la moins contestée de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de clichés de fantômes, beaucoup de canulars, beaucoup de trucs dans ce goût-là. Mais celle-là, elle est présentée en général comme une photo authentique, parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez impressionnante. Et elle date de 1936. Il s'agit de la Brown Lady de Raynham Hall. Alors, Raynham Hall, c'est un château qui se trouve à Norfolk, en Angleterre, et donc cette Brown Lady, comme je vous le disais, elle est connue pour être donc le fantôme le plus célèbre à cause de cette photographie. Et on l'a plus jamais vue depuis 1936, mais elle reste célèbre. Et donc on dit que elle portait donc une cape marron, une longue robe, une longue cape marron, c'est un petit peu flou, et personne ne sait. Qui peut être cette dame brune, puisque la plupart du temps dans les histoires de fantômes, il y a toujours des légendes qui sont reliées à l'apparition. Là, en l'occurrence, c'est la fille de la concierge qui tenait le château. Et là, on ne sait pas du tout. Voilà, c'est le mystère absolu. On ne sait pas qui. Alors, il y a des spéculations, mais il n'y a pas de légende attitrée à cette Brown Lady de Raynham Hall. Alors, la première fois qu'on a vu cette dame brune, c'était en 1835, et c'était un colonel, le colonel Loftus, hein, qui avait un nom, non, c'était encore plus drôle que ce colonel Moutarde, et s'appelait Loftus, alors c'est quand même assez donc comique. Donc la photo date de 1835. Non, la photo date de 1926. D'accord, et depuis la photo, on la revoit plus. Donc on la voyait avant. On y vient. On la voit plus depuis 1936. D'accord. Mais j'allais y venir, tout en souplesse, tout en finesse. Donc, méthode Patrick. Le colonel Loftus, et c'est vrai que ça fait un petit peu Cluedo quand même, a vu pour la première fois la Brown Lady dans l'escalier, avec un chandelier. Dans l'escalier. Après un verre dans le nez quand même. Et il l'a vu deux fois. Il dit qu'il l'a vu avec une longue robe de satin marron. Et alors c'est quand même assez particulier puisqu'en général les fantômes ils sont plutôt blanchâtres. Et bien non, lui il voyait donc du satin marron. En plus du satin, ça s'emmerde pas quoi. Voilà, hein, c'est pas n'importe quel fantôme non plus. Et donc l'histoire ne dit pas si le colonel Loftus buvait ou autre, mais très vite, il n'a plus été le seul témoin à avoir vu la Brown Lady, puisque le capitaine Frédéric Maria, donc c'est le capitaine des colonels, donc c'est pas des petits malins non plus qui voyaient ce fantôme, et le capitaine Frédéric Mariat, après avoir entendu ces histoires de vision, a dormi intentionnellement dans la chambre hantée, celle dans laquelle donc le fantôme était apparu, et Il a vu apparaître cette Brown Lady dans l'escalier. Il a donné la même description que Loftus, sauf que là, il a rajouté qu'elle portait une lanterne pour se déplacer. Et ce capitaine Frédéric modernise. Et voilà, ce capitaine Frédéric Mariat, en tout bon capitaine qu'il était, lui, il avait amené un gun, hein, histoire d'y aller. Et alors, sécurisé quoi. Voilà. Franco. Et quand il a vu la figure, il a tiré dessus. Évidemment, la balle a traversé le corps qui s'est évaporé, bien sûr. Et donc, c'est quand même dire le bourrinage de la personne. Le mec, il sait qu'il va voir un fantôme, il amène un pistolet. c'est quand même assez ridicule. Mais à l'époque, on ne savait pas encore que peut-être que les fantômes étaient aussi matériels que ça. Peut-être qu'ils pensaient avoir une chance de flinguer un spectre. En tout cas, il a essayé. Et mais... le ramener, le mettre au-dessus voilà. de sa cheminée, peut-être. Faire un trophée. Et donc là, c'était raté pour le coup. Et ensuite, on n'a plus entendu parler de la Brown Lady jusqu'en 1926, où elle a été vue par deux petits garçons. Alors bien sûr, c'est pas forcément le genre de témoignage particulièrement fiable, puisqu'il commençait déjà à y avoir une légende autour de ça. Donc les gamins ont expliqué que voilà, c'est très facile de le dire. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est donc en 1936, où deux photographes, deux célèbres photographes à l'époque, le Captain Provand, alors un capitaine, hein, c'est une histoire de capitaine, et son acolyte Indre Shira, Shira qui était aussi d'ailleurs l'alter ego féminin de Musclor, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire, et donc ils allaient donc enquêter dans le château pour le magazine Country Life, qui existe toujours, et Shira, l'assistante, a vu le fantôme, et alors ils étaient en train de prendre des photos un petit peu du hall, etc. Et puis tout à coup, donc l'assistante voit une ombre passer dans l'escalier. Et à ce moment-là, elle dit au capitaine Provand, vous êtes prêt à photographier là? Parce qu'à l'époque, il fallait remonter le bordel et il fallait un petit moment pour photographier, tu vois, tu pouvais pas cliquer. Et là, il se trouve que l'appareil était en place, il était prêt à photographier. Donc le capitaine a appuyé sur le bouton. Et on a obtenu la plus célèbre photo de fantôme de l'histoire, qui est à l'heure actuelle encore conservée dans les bureaux d'ailleurs de Country Life, et qui bien sûr circule sur le net. Et alors bon, ensuite il y a eu un livre qui s'appelle l'Encyclopédie des fantômes, écrit par un certain Daniel Cohen, qui a dit que la photographie aurait pu être truquée. Mais, mine de rien, ça reste une photo particulièrement bluffante et impressionnante. Et donc, personnellement, même si je ne crois pas aux fantômes, et je sais que c'est ton cas aussi, Thomas, c'est mon cas aussi. Je pense que j'aurais un petit peu les fesses qui feraient bravo si je devais aller dans l'escalier en question, parce que c'est un petit peu ça le charme de toutes ces histoires. Mais on l'a plus revu depuis 70 ans. On l'a plus revu, mais il y a quand même une espèce d'aura de mystère. Et même, donc voilà, si on ne croit pas aux fantômes, c'est le genre de truc qui met un petit peu le frisson, et c'est tout le charme de ces histoires-là. Oui, en parlant de petits trucs qui fait flipper. Avant de venir dans l'émission, Thomas m'a montré une petite photo. Et alors, parce que sur eBay, vous savez que sur eBay, il y a beaucoup d'objets qui sont vendus et qui sont censés être hantés. Oui, là, Thomas m'a envoyé un lien vers une image, un tableau, qui a été vendu sur eBay et qui était présenté comme un tableau hanté. Alors pourquoi? Parce que, a priori, l'enfant de la maison où était exposé le tableau a prétendu qu'il avait vu le petit personnage, parce que voilà ce qu'on voit sur le tableau en question. On voit une devanture de maison avec une fenêtre, et devant la fenêtre, un petit garçon bien inquiétant, d'ailleurs, et à côté de lui, une petite poupée, et quelque chose d'un petit peu fou derrière lui, dans les vitres. Et donc la légende qui avait écrit donc sur l'article sur eBay, c'était que donc ce tableau était hanté parce que le petit personnage bougeait. L'enfant avait dit qu'il avait vu le personnage bouger, et ensuite, soi-disant, les parents auraient mis des détecteurs de mouvement dans la pièce, et ils auraient effectivement vu un truc. Et alors voilà, ceux qui regardent le tableau seraient maudits, enfin ils ont... monter tout un truc, et bien sûr le tableau est parti sur eBay parce que ça marche à tous les coups, quoi. C'est le genre de truc qui suscite la curiosité, même si évidemment les mecs doivent sûrement penser que jamais on croira à leur connerie, et plus c'est énorme, plus ça marche finalement. Fantôme en bouteille, fallait oser. Là, par exemple, dans le cas du tableau, là où ça peut vite aussi tomber à l'eau, c'est que justement sur eBay, il doit y avoir quelques, on va dire, millions de personnes qui ont dû aller voir ce tableau-là, ne serait-ce que par curiosité. Ils sont tous morts. Voilà, si on se retrouve avec un génocide généralisé de tous les mecs qui sont passés sur eBay, ouais. Bon, bah, ça confirmera le truc. Bah, je pense qu'il faut avoir l'original pour être vraiment hanté. Ouais, à mon avis, ouais. Le scan, c'est pas bon. Non. Quoique si ça fonctionne comme la malédiction de Ring, ça peut marcher avec une copie aussi. C'est vrai. Donc voilà. J'ai peur. Thomas va nous raconter sa première histoire du soir. On t'écoute avec grand intérêt, mon ami. Eh bien, je vais vous parler de quelque chose qui est peu connu. Je vais vous parler du Mothman. Je connaissais pas en plus, c'est vrai. Alors, en fait, c'est tout simplement un des phénomènes, alors que c'est peu connu, des plus intéressants. Donc, littéralement, Mothman, ça signifie l'homme phalène. Donc, en fait, homme papillon. Alors, est-ce que ça existe réellement? On n'a jamais pu réellement savoir. En tout cas, tout a commencé en 1966 aux États-Unis, et le 1er septembre exactement, quand James Icar, dans la région du Mississippi, téléphone à un journal local pour signaler en fait qu'il voit une créature ayant une forme humaine et qui traverse les cieux. Donc l'équipe, une baleine. L'équipe se déplace et en fait, il ne voit absolument rien du tout. Mais le fameux James Sicard ne veut pas démordre et continue à prétendre avoir vu des choses. Et bizarrement, étrangement, par la suite, de nombreux témoignages rapportent la même chose. On a vu une forme étrange traverser les cieux, une espèce d'homme avec des ailes de chauve-souris sur le dos. L'État commence à s'en mêler, le gouvernement, etc. Des météorologistes se penchent sur la question. Et la théorie du ballon sonde est avancée. Théorie récurrente, hein, en général, dans l'affaire de Roswell. Comme dans l'affaire de Roswell. C'est un ballon sonde. Voilà. ça se résume souvent au ballon sonde. Mais deux semaines après donc toutes ces premières apparitions, des témoins continuent à dire le voir apparaître quasiment tous les soirs devant chez eux. Et donc la légende du Mothman commence à naître. De là, un écrivain journaliste peu connu, ma foi, du nom de John Keel, commence à faire des investigations. Et pendant 4 années, il va poursuivre donc les témoins et les différents lieux d'apparition de ce Mothman pour, en fait, au final, réussir à faire une description assez complète du personnage. Donc, en fait, le Mothman mesurait entre 1m50 et 2m10. Il serait plus large qu'un humain. Il marcherait sans difficulté. Ses yeux seraient situés au niveau des épaules. Ce qui est pratique. On dirait ma grand-mère. Et il émet un petit cri aigu. Alors, en fait, il a des ailes de type chauve-souris, mais qui ne bougent pas quand il vole. Donc, elles restent statiques et il se déplace. Et donc, alors, parmi les histoires les plus étranges, il y a celle d'un paysan en Virginie occidentale, qui donc prétend avoir vu le Mothman chez lui. Il était tout simplement un soir avec son chien seul dans son ranch et d'un coup la télé s'est éteinte, écran noir. Le chien a commencé à aboyer, à japper en direction de la porte. Il a donc ouvert cette porte et là devant lui au fond de la grange il a vu deux cercles rouges très lumineux et des ailes se déployer. Le chien est parti, lui il s'est enfermé dans la maison et il n'a plus jamais trouvé son chien. Et voilà, et donc la légende reste entière. Et le Mothman mange les chiens aussi. C'est magnifique. Et alors, à noter que donc le premier observateur de ce Mothman s'appelle Icar. Comme l'homme qui a essayé de voler. Comme le Icar du mythe. Hein, donc finalement. Hasard, coïncidence. Pas de hasard. J'avais jamais entendu parler de cette histoire de Mothman. Hein, et ça rejoint un petit peu finalement toutes les histoires de cryptozoologie avec le Chupacabra, etc. Voilà, alors en fait, ce qui est intéressant au niveau du Mothman, apparemment, quand on recherche un petit peu les origines de cette légende qui se rapproche comme d'une légende urbaine, ce qui est assez curieux dedans, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de liens qui se font avec la mythologie. Et donc moi tout à l'heure j'avais pas noté le rapport avec Icar effectivement qui est intéressant mais il y a pas que ça puisque effectivement le personnage a des traits assez mythologiques, ça se passe dans un contexte, alors même le nom, même la racine du nom vient du latin, vient du grec, vraiment ça se mélange et puis enfin toutes ces histoires d'hommes volants, de bêtes qui ressemblent à des gargouilles. Enfin, il y a tout un fond comme ça de mythologie et de mythes. Et ce qui est drôle aussi, c'est de voir qu'à chaque fois qu'un mythe surgit, systématiquement, il y a des gens qui finissent par les voir. Et chaque époque a son mythe. Le siècle dernier, c'était le 20e, donc on va plutôt dire au 19e siècle, il y a eu beaucoup d'observations de diables. Mmh. Et une fois que la rumeur est lancée, dès que quelqu'un aura l'impression de voir quelque chose passer dans les bois, il aura tendance à appliquer ça au mythe qui est dans la tendance actuelle, quoi. Alors aujourd'hui ça serait plutôt les ovnis, en tout cas la mode est peut-être un peu passée, mais ouais, mais c'est vrai que la persuasion à mon avis marche pas mal dans ce genre d'histoire. Quand on prend des classiques genre l'histoire donc de Bloody Mary, croix, j'allais en parler, alors c'est voilà beau. Alors tu vas-y, je t'en prie. Parce que moi, je vais le raconter succinctement, juste pour expliquer mon point de vue sur la chose, mon analyse du phénomène, on va dire. Donc, Bloody Mary, en fait, pour l'appeler, il faut qu'on se mette dans une salle de bain, entourée de deux bougies, face au miroir, toute lumière éteinte. Alors déjà, je sais pas si vous imaginez l'ambiance que ça crée. Votre tronche dans un miroir éclairé par deux bougies seulement face à votre miroir. Déjà, pour faire ça, il faut déjà être convaincu de l'avoir. Voilà. Ensuite, il faut que vous fassiez trois tours sur vous-même. Donc, vous perdez toute notion d'équilibre, etc. Et à chaque tour, vous regardez le miroir en prononçant donc le nom de Bloody Mary. Et vous l'appelez jusqu'à trois fois. Et donc, normalement, au bout de la troisième fois, il y a donc Bloody Mary qui doit apparaître dans le miroir et qui est donc une femme ensanglantée. Donc je trouve que moi, dans cette histoire-là, le contexte est quand même très favorable. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a toute la mise en place, toute la mise en scène dans la salle de bain d'abord, qui crée l'atmosphère. Ensuite, on perd un peu ses repères parce qu'on doit tourner sur nous-mêmes. Et ensuite, il y a notre propre visage qui se reflète quand même de façon assez bizarre dans le miroir. Enfin, tout ça crée la chose. Et je pense que si on veut réellement être convaincu et si on pense qu'on va réellement voir quelque chose, on verra forcément quelque chose de bizarre pendant un court moment. Bien sûr. Et ce type de légende-là a inspiré notamment Candyman, qu'il faut appeler trois fois dans le miroir pour le voir surgir. Et ou Beetlejuice d'ailleurs. Et l'histoire derrière Bloody Mary, donc, c'est que c'était une jeune fille qui était défigurée, donc on se moquait d'elle à l'école, etc. Donc si on appelle cette Bloody Mary, elle sort du miroir et elle nous défigure avec un coup de griffe au visage. Et bien sûr, c'est le genre de truc qui fait fureur dans les campus américains. Les jeunes filles, pour se faire un petit peu peur, elles le font. Et le truc, c'est que on peut être aussi cartésien qu'on veut. C'est le genre de légende. L'âme humaine est faite de telle sorte que on aura tendance à flipper un petit peu quand viendra la troisième fois. Il faudra prononcer le nom pour la troisième fois. C'est certain, mais c'est ce qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est ce qui est bon. Ce petit frisson. On peut être aussi sceptique qu'on veut, ça fait toujours son petit effet. Bon. Alors, l'histoire que j'avais prévu de vous conter là, c'est celle du presbytère de Borley, qui est réputée pour être la maison la plus hantée d'Angleterre. Alors, elle est située dans l'Essex, et c'est toujours très drôle à dire, hein. Elle est située dans l'Essex. C'est hanté par là-bas. Oui, oui. Se méfier. Et ce presbytère n'est pas un bâtiment très ancien, puisqu'en fait il a été construit en 1863 par le révérend Henry Bull. Henry Bull dans l'Essex. Et c'est là que je m'aperçois que c'est un patronyme pour ruiner une histoire. Ouais. Malheureusement. Et alors donc, si le bâtiment n'est pas très ancien, il a été construit sur un site qui, lui, date du Moyen-Âge. Et ce site, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle même, il hébergeait un monastère. Et donc, il a la réputation d'être hanté, ce site. Alors pourquoi ? Parce qu'on dit qu'à l'époque, donc au XIIIe siècle, une nonne du couvent de Bure, ça aurait presque... C'était quasiment Bure, non, là c'était la totale. Alors une nonne du couvent de Bure et un jeune moine du monastère de Borley tombèrent amoureux au XIIIe siècle. Oh, c'est mignon. Et à l'époque, c'était moyennement bien vu quand même qu'une nonne et qu'un moine tombent amoureux. Donc quand ils ont été surpris, ils se sont échappés dans une charrette. Et le jeune moine a été puni de mort. Quant à la jeune nonne, elle a été condamnée à être emmurée vivante dans la crypte sous le monastère. Ah. Ça rigolait pas à l'époque. Et donc voilà d'où vient cette légende. Et le révérend Lionel Foster et sa femme Marianne emménagèrent au presbytère le 16 octobre 1930. Donc sur le presbytère qui avait été construit sur le site de l'ancien monastère. Et ils quittèrent ce presbytère 5 ans plus tard. Parce que durant leur séjour, plus de 2000 événements paranormaux seraient survenus. Alors des années plus tard, Marianne discuta de ces événements et expliqua que la plupart étaient probablement dus à des explications naturelles, mais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais pu expliquer, et notamment certaines inscriptions sur les murs, donc il y avait des choses qui s'écrivaient sur les murs. Elle prétendait avoir été enfermée par l'esprit donc, qui hantait les lieux, enfermée dans sa chambre, tout un tas de trucs dans cet esprit-là. Donc ils ont quitté la maison, et le capitaine William, c'est encore un capitaine, c'est quand même très bizarre tous ces capitaines, le capitaine William Gregson et sa famille donc furent les derniers à vivre au presbytère. Et Gregson achète le bâtiment en pleine connaissance de la réputation de l'endroit, et donc il est très très sceptique, mais il change aussi très vite d'avis parce qu'il s'aperçoit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont pas très normales dans cette maison là. Et le presbytère fut détruit par le feu durant la nuit du 27 au 28 février 1939 parce que donc il avait acquis une réputation d'endroit maudit, d'endroit hanté, et donc on a préféré le brûler. Et il existe plusieurs photos bizarres prises à Borley. Alors parmi elles, celle donc qui est devenue fameuse, d'une brique flottante, prise par un photographe du magazine Life, qui visitait les ruines le 5 avril 1944. Et donc il a pris des photos comme ça, et sur un des clichés, on voit une brique en suspension. Alors bon, les sceptiques diront que c'est tout simplement quelqu'un qui avait peut-être jeté une brique et qui avait pris la photo avant qu'elle touche le sol. Mais enfin, ça alimente un petit peu la légende. Et c'était pas la seule photo, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a une photo sur laquelle certains croient voir un vieillard voûté, d'autres encore, où on a l'impression qu'il y a une ombre qui se déplace. Et donc voilà. Et en 1945, donc un an après la fameuse photo, des ossements humains furent trouvés sur le site. Et bien sûr, beaucoup pensaient que c'était ceux de la fameuse nonne emmurée vivante dans le mur. Et bien qu'aujourd'hui, donc la maison n'existe plus, ça reste ce presbytère de Borley, la maison la plus hantée d'Angleterre dans l'esprit des amateurs du genre. Voilà. Ça donne envie d'y aller vivre. Ça donne envie d'y aller faire un tour. Vive le sexe. Vive les sexes et vive comment il s'appelait-il ? Le révérend Henry Boulle, voilà, qui vivait dans les sexes. Thomas. Alors maintenant, c'est quoi déjà ? Amityville. Amityville, magnifique. Amityville, la maison du diable. Amityville. Donc tout commence le 14 novembre 1974, la petite ville d'Amityville aux États-Unis. 18h35, le téléphone sonne et appelle la police. Le téléphone sonne à la police du comté de Suffolk. C'est moins drôle que les sexes, hein, quand même. C'est moins drôle. Et en fait, c'est un certain Joey Westwick qui appelle la police pour leur signaler qu'un jeune homme est passé dans son bar, pour leur signaler en fait que son père, sa mère et toute sa famille ont été tués. Donc en fait, le tenancier du bar s'est rendu sur les lieux, donc avec le jeune homme qui est passé. Il a effectivement constaté la mort de tous les membres de la famille et donc il prévient la police. 10 minutes plus tard, la police arrive donc au 112 Ocean Avenue à Amityville, l'adresse de la maison où s'est passé le massacre, et donc découvre avec horreur le meurtre de toute la famille des Féaux. Donc toute la famille a été assassinée, exception faite du fils aîné plutôt. Comme par hasard. Qui se nomme Butch, comme par hasard. Alors celui-ci au départ affirme avoir passé la nuit chez ses parents, en fait ne pas avoir réussi à dormir, d'être parti vers 4h du matin pour aller travailler de bonne heure, etc. Plein de choses le confondent, au final il craque et il avoue devant les policiers effectivement avoir massacré sa famille. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a plusieurs petites anecdotes familiales assez curieuses. Donc c'est en 65 que la famille des Féaux s'installe dans cette petite ville, dans cette donc maison de style colonial qui date de 1928. Le fils aîné, quelques années plus tard, vers ses 17 ans, arrête complètement ses études. Il commence à se droguer, il prend du LSD, de l'héroïne, etc. Il commet des vols. Il part un petit peu en vrille. Il est soutenu, relation très conflictuelle avec son père. Il est soutenu par sa plus jeune sœur, qui en fait lui apparemment lui aurait donné des échantillons d'urine, etc. pour pouvoir passer les tests de dépistage devant son père, etc. Donc il y avait une espèce d'ambiance assez malsaine dans la maison et les relations entre le père et le fils étaient plus que très tendues. Donc la nuit du fameux meurtre, tout le monde dort dans la maison. Butch est censé regarder la télé jusqu'à 3h du matin et il regarde une émission qui s'appelle Castle Keep. Alors émission d'horreur en plus, émission d'horreur américaine de l'époque. Tout d'un coup, il prend un fusil, il descend dans la chambre de ses parents, il abat son père de 2 coups de fusil. Alors le père apparemment aurait survécu quelques instants en essayant de se déplacer avant de mourir. Voilà pour le petit détail morbide. Voilà. Ensuite il braque le fusil sur sa mère, il abat 2 balles. Il sort, il se dirige vers la chambre de ses frères, il les tue tous, d'une balle dans la tête. Il va dans la chambre de sa petite sœur et il la bat pareil, d'une petite balle dans la tête. Un enfant turbulent. Un enfant légèrement turbulent. Alors qu'elle avait donné ses urines. Et ouais. tous les cadavres sont retrouvés sur le ventre. À l'envers des poissons. Alors, le jeune homme prétend en fait que ça faisait pas mal de temps qu'il entendait des voix lui demandant d'accomplir cet acte. Alors, ce qui est un petit peu plus étrange là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs témoins en fait qui soutiennent la thèse du jeune homme, dont un prêtre qui a très bonne réputation, qui prétend donc avoir béni la maison au moment de l'arrivée de la famille et au moment de la bénédiction. Il aurait entendu donc très clairement une voix lui demandant de partir et de quitter les lieux immédiatement, enfin une voix sortie de nulle part. Donc lui, déjà, il était convaincu que la maison était possédée, hantée, qu'il y avait un esprit malin à l'intérieur. Donc il a soutenu très fortement le jeune homme, même dans les procédures judiciaires. Et donc on n'a jamais réussi réellement à élucider ce problème-là. Il y a d'autres choses très étonnantes. La jeune fille donc qui a aidé au départ son frère en lui filant des échantillons d'urine, etc., qui est morte également, a des traces de poudre sur les bras, comme si elle avait tiré elle aussi au départ. En fait, tout est assez curieux. Elle est donc morte, mais en même temps, elle aurait tiré. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que tu veux arrêter l'histoire là, ou est-ce qu'il y a une deuxième partie ? Et malheureusement, il n'y a pas réellement de deuxième partie. C'est le mystère en suspens. Parce que en fait, après ce massacre d'Amityville, donc déjà. La maison a commencé à avoir une réputation assez sulfureuse. En 1977, il y a un roman qui est tiré du massacre qui s'appelle donc L'horreur d'Amityville, une histoire vraie. Et le film Amityville est tiré du livre en 1979, donc il a le succès qu'on connaît. Et il y a une famille qui fait l'acquisition de la maison en ayant connaissance du massacre qu'il y a eu. Et il commence à raconter qu'il se passe des trucs absolument hallucinants dans cette maison, et ils y restent 28 jours. Et alors là, les témoignages sont juste délirants. Il parle donc d'un lion en céramique qui était dans la maison, qui s'est mis à bouger tout seul, des mouches en plein hiver, donc tout un tas de mouches qui vrombissaient comme ça dans une pièce. La femme du couple aurait été saisie par moment par une force invisible qui l'empêchait de bouger, qui l'empêchait de respirer, donc ils sont restés 28 jours. Il aurait brûlé même d'ailleurs apparemment. Tout un tas de trucs, des histoires plus farfelues. Là je dis les trucs les plus soft parce que c'est des histoires de barge, et donc ils tiennent 28 jours, et on les a accusés par la suite d'avoir inventé cette histoire pour se faire de l'argent, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient voir la fameuse maison du diable, et donc ça attirait beaucoup de curieux, et donc peut-être que les mecs espéraient exploiter le filon de manière commerciale. Et donc voilà, il y a ceux qui disent que c'est un vaste canular, et puis il y a ceux qui disent qu'effectivement la maison est hantée, tout ça, mais le couple qui a investi les lieux par la suite ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit, et aujourd'hui la maison du diable, la maison d'Amityville existe toujours, elle est pareille, c'est une maison de style colonial sur étage, elle existe toujours, des gens y habitent, et tout va bien pour eux, donc c'est pour ça qu'il y a toute cette polémique autour de ce couple qui a suivi donc l'histoire du massacre, et qui explique qu'il y a des histoires de barge. D'ailleurs, c'est l'histoire qu'on voit dans le film. On voit l'histoire de ce couple qui a subi beaucoup de histoires paranormales comme ça. Donc coup de folie suivi d'un coup marketing. Voilà. Suivi de rien du tout d'ailleurs. Et c'est là que vient la légende d'Amityville. Et en parlant de maison hantée, moi je me souviens donc d'un fabuleux épisode de mystère. Rappelez-vous encore une fois cette émission qui passait dans les années 90, et il y avait eu une histoire fabuleuse dont je te parlais l'autre fois et que j'ai récupérée, donc parce que donc les émissions sont disponibles. Alors je sais pas si c'est libre de droit ou non, je pense que oui quand même, finalement c'est comme si on vous prêtait les cassettes vidéo de l'époque, mais ces émissions sont disponibles sur internet aujourd'hui, et donc celle de la maison hantée est énormissime, parce que il y a aussi le fait que c'est joué, c'est des reconstitutions, et donc les avec gens des mauvais acteurs. Et la plupart du temps, les gens jouent leur propre rôle. Là, c'est le cas. Là, les gens qui ont vécu l'histoire jouent leur propre rôle. Et donc, c'est un régal de les voir mal jouer. Et on voit cette scène fabuleuse avec les effets spéciaux de l'époque. On voit des pommes traverser les portes comme ça. Fabuleux. Et les gens qui font semblant d'avoir peur, c'est magnifique. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'on entend les témoins de l'époque raconter tout un tas de trucs bizarres, genre voilà, il y a une armoire qui se démonte toute seule, les pommes qui traversent les portes, etc. Des bruits, des voix, des apparitions. Et les enfants qui venaient dans cette maison là ne voyaient rien, n'avaient peur de rien, ils ont jamais vu qu'une apparition que ce soit, et donc dans ce cas précis on pense à un phénomène d'hystérie collective finalement et d'illusion collective, c'est parce que c'est que des adultes donc qui ont témoigné, et tous ces adultes peut-être s'étaient montés la tête tout seuls, ils avaient fini par arriver dans un état d'autosuggestion. Et ils avaient vraiment l'impression qu'il y avait des bruits bizarres de partout, etc., etc. Et ça doit être souvent le cas, parce que l'université de zététique dont je parle souvent ici, qui est basée à Sophia Antipolis, c'est ces gens qui se font justement un plaisir d'aller démystifier. Qu'on a des récompenses. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est la récompense promise donc à quiconque fera preuve d'un pouvoir paranormal touchera donc une certaine somme d'argent. Alors maintenant, ce concours a été fermé. Il a été en place pendant une dizaine d'années. Et puis bien sûr, au bout de 10 ans, il y a eu aucun vainqueur entre guillemets. Et donc ça a été arrêté. Il y avait Majax et tout dans le coup. Et donc carrément. Et cette université de zététique, donc c'est une branche de l'université de Sophia Antipolis. Elle est spécialisée dans tous les phénomènes un petit peu paranormaux, dans la démystification de ces trucs-là. Et ils sont allés inspecter pas mal de maisons qui étaient réputées pour être hantées, et 9 fois sur 10 donc il s'agit de bruits naturels, et l'imagination des gens fait le reste. On a tôt fait de voir un fantôme si on est persuadé qu'il y en a un, et on a tôt fait des bruits bizarres. Voilà, c'est pour ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, comme souvent c'est donc les apparitions, etc., ce que voient les gens, ça se passe rarement dans un centre commercial bondé à 15h. Ça voilà. Se passe toujours dans une cave quand on est tout seul, qu'il pleut dehors, qu'il y a de la brume au sol épaisse de 2 mètres. Alors il y a des cas d'illusion collective. Il y a des cas même historiques, comme l'histoire de Fatima. Je ne sais pas si vous avez entendu la fameuse histoire de Fatima, les prophéties de Fatima. Cette petite fille qui aurait rencontré la Vierge, qui lui aurait confié 3 prophéties. La troisième a été gardée secrète, et c'est récemment, c'était Jean-Paul II était encore vivant. Et Jean-Paul II donc a lu la fameuse prophétie, machin. Et donc, à l'époque de cette histoire, je crois que ça se passait dans les années 40 ou 50, la petite fille aurait appelé les gens du village après que la Vierge lui ait dit de faire venir le maximum de monde, et tous ces gens ont témoigné en expliquant qu'ils avaient vu, le soleil se mettre à bouger de manière bizarre, changer de couleur. Enfin, c'était un cas typique d'illusion collective, hein, en l'occurrence, parce que si le soleil s'était mis à bouger et à changer de couleur, il n'y aurait pas que les gens de Fatima qui l'auraient vu, hein, et le reste de la planète aussi. Donc voilà, ça peut arriver parfois, mais c'est vrai que la plupart des cas, c'est simplement des gens victimes de leur propre autosuggestion. Et donc, voilà. L'histoire d'après, c'est les Dames Blanches. C'est les Dames Blanches. Si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses point. J'en avais déjà parlé dans la première d'Exocet de cette saison, dans le cadre des légendes urbaines, mais peut-être que tu vas approfondir le sujet. Je ne sais pas si je vais l'approfondir, en tout cas, j'espère. Je vais le retraiter. Je ne devais de le faire. Venant oui. de Normandie, où il y a une Dame Blanche ultra connue, en fait. Une Dame Blanche en Normandie. Oui, qui fait des crêpes. Qui est très très connue. D'ailleurs. Alors, vous verrez, vous allez découvrir tout ça. Donc, à l'heure actuelle en France, il y a 297 apparitions régulières de Dames Blanches qui ont été signalées. Alors, il y a de nombreux témoignages qui s'accumulent au sein des commissariats, et apparemment le phénomène n'est pas réellement nouveau. Le portrait robot le plus répandu, ça serait donc une âme, toute vêtue de blanc, qui attendrait sur le bord de la route, tout simplement, un automobiliste seul, et qui ferait du stop. Elle attendrait, elle monterait à bord, demanderait d'aller à telle destination. D'un coup, se murerait dans un silence apparemment glacial, d'après tous les témoignages, qui mettrait mal à l'aise le plus téméraire d'entre nous. Et juste avant un virage dangereux ou une portion de route risquée, donc la femme disparaîtrait du siège, se dématérialiserait complètement, se volatiliserait, en laissant donc le conducteur tout seul. Et souvent, avant de disparaître, donc cette femme donne un conseil, un avis sur la sécurité routière. C'est bison futé, en vrai. C'est bison futé, c'est l'aide comme ça assistée. Donc, mettez votre ceinture. On pense, donc elle dit genre ralentissez, il va y avoir un croisement dangereux, ou prenez doucement le virage, etc. Donc ceux qui sont persuadés de l'existence des Dames Blanches, donc prétendent qu'elles reviennent parce qu'elles ont une mission, justement elles seraient mortes dans un accident relatif à cet embranchement ou ce virage dangereux, et donc elles reviendraient pour prévenir les gens qui roulent trop vite afin qu'ils ralentissent et limiter les morts. Donc ça serait pour la thèse des gens qui y croient. Pour vous parler de celle pour laquelle j'ai voulu traiter l'émission, donc la fameuse Dame Blanche de Normandie. Yes. Elle sévit du côté de la forêt de Clécy. Alors la forêt de Clécy, c'est légèrement au nord de Caen, si vous voulez situer. Okay. Et donc en fait, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle apparaît quand même quasiment tous les mois, puisque les habitants du village, tous les habitants l'ont vue. Ils ont l'habitude quasiment de vivre avec, et vraiment chez après eux, la fête du village, généralement. Chez eux, ça fait partie, c'est normal. Elle est sur le bord de la route, salut, petit coucou, machin. Bon Marcel, c'est toi qui prends la dame ce soir là. Et donc voilà, ça serait apparemment assez normal du côté de ce village. Alors ce qui est curieux, c'est que cette dame apparaît uniquement les jours de pluie. D'accord. Et j'ai envie de dire, c'est pas le plus paranormal là-dedans, parce que si elle apparaissait les jours où il fait beau, c'est de là que ça serait bizarre, parce qu'en Normandie, trouver une journée... Ah effectivement, c'est ça qui serait paranormal, une journée où il fait beau en Normandie, et donc on peut appeler la presse. Et donc, en fait, tout le village est persuadé de son existence. Elle aurait déjà prévenu de nombreux jeunes hommes. Alors, en plus, elle est sur le retour d'une boîte de nuit assez célèbre. Elle s'est mis au bon endroit. Ça fait penser à un sketch de Groland, je le dirai après. Et donc, voilà, plusieurs jeunes hommes, même des couples, l'auraient transporté, etc. Et elle ferait ses bonnes actions. Et elle sévirait de ce côté-là. Alors, donc, il y en a un peu partout en France. Hein, c'est pas spécifique à la Normandie. Ah on retrouve ça. On retrouve Normandie, ça. Normandie, elle a quand même un parka, quoi. Bah, voilà. La première, la fondatrice, elle vient de Palavas. De Palavas, tout à fait. Voilà, c'est quand même près de chez nous. C'est quand même près de chez nous, et puis depuis, on en a croisé. Des gens en ont croisé un petit peu partout, à chaque fois qu'il y a une nuit un peu sombre et une atmosphère étrange. Et alors, le mythe de la Dame Blanche, ça ressortit du mythe des Vanishing Hitchhikers. Hein, on en trouve beaucoup en Amérique, donc c'est littéralement les autostoppeurs qui disparaissent. Et donc on retrouve ce thème-là dans toutes les cultures, à toutes les époques. Hein, avant, bah, c'était des gens qui étaient sur le bord de la route, et puis c'était des charrettes qui s'arrêtaient, et puis ils disparaissaient. Voilà. Et en fait, la Dame Blanche, c'est un petit peu la continuité de ce mythe, mais à l'époque moderne, donc elle rentre dans une voiture au lieu de monter dans une charrette, etc. Non, mais c'est... c'est la rigueur, ce qui est intéressant aussi dans toutes ces histoires, c'est qu'elles se modernisent, elles sont retravaillées, mais elles utilisent tout le temps la même forme et le même fond. Donc on retrouve des tas de similitudes entre des histoires moyenâgeuses et des histoires complètement modernes de légendes urbaines. Voilà. Absolument. Et ce qui serait quand même intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ont vu, parce que parmi ces milliers de témoignages et d'observations, bon, on va essayer d'écrémer 80% de bidonnage volontaire. Ah, je l'ai vu, moi. Il y a quand même des gens qui ont dû voir quelque chose et qui sont de bonne foi. Et parmi les gens qui ont vu quelque chose, on va encore écrémer 90% de gens qui ont vu peut-être une silhouette d'une personne tout à fait normale qui passait, qui était habillée en blanc, ou quelque chose qui bougeait au loin, bon, qu'ils ont pris pour... Mais il y a quand même, il reste un noyau. De personnes qui ont vu quelque chose de quand même très très bizarre et d'inexplicable. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et donc, c'est l'histoire de Palavas-les-Flots, qui est donc l'histoire fondatrice de la Dame Blanche française, la nôtre. Donc, il y a un rapport de police. C'était quatre jeunes gens qui l'avaient pris en stop. Deux filles à l'arrière. Donc, elle était montée au milieu des deux jeunes filles. Et avant un virage, elle s'était mise à hurler, cette Dame Blanche, et puis elle avait disparu. Donc, après, les jeunes étaient allés au commissariat de Palavas et ils avaient fait leur déposition. Et le rapport existe toujours à l'heure actuelle. Et ensuite, on avait dit que ces jeunes gens, c'était pas du tout le genre à déconner, ils avaient pas bu, etc. Et donc, voilà d'où vient le mystère. Bon, très, très clairement, je veux dire, c'est de deux choses l'une. Soit c'est un canular. Qu'est-ce qui est le plus dur à accepter, que des gens qui ont pas l'habitude de faire un canular en façon. Et qu'il marche en plus, voilà, parce que là. Ou qu'une dame fantôme soit montée dans une voiture et qu'elle ait disparu après avoir hurlé. Voilà. Personnellement, je pense que ce qui est quand même le plus facile à accepter, c'est qu'il se soit dit, tiens, on va peut-être déconner un petit coup. Mais il y a toujours ce petit côté mystérieux qui fait toute la richesse. Oui, ma mère fait Dame Blanche tous les samedis soirs. elle est sur la route de Saint-Saturnin, si tu veux la voir. Dans un camping-car. Alors on va passer aux infos bizarres de la semaine, avec la première qui se passe à Memphis, Tennessee. Et c'est une jeune américaine, alors l'histoire assez énorme, mais c'est finalement même pas la peine que je le précise, puisque sinon je l'aurais pas sélectionné. Donc c'est une jeune américaine qui a tenté d'engager un tueur à gages pour voler et abattre quatre hommes qui, croyait-elle, dissimulaient un paquet de cocaïne, et c'était du fromage. C'était du fromage, en fait. Voilà. Et l'homme de main, en plus, qu'elle avait engagé, c'était un policier. Donc c'est un peu la totale pour cette jeune Jessica Sandy Booth, 18 ans. Et donc en fait, elle avait vu la semaine dernière au domicile des quatre hommes en question un morceau de fromage qu'elle a pris pour de la drogue. C'est dire un petit peu les soucis psychologiques de la jeune fille. À moins que ce soit du parmesan. Ouais. Ouais. Non, ou alors c'est du fromage qui est vraiment noirci. Voilà. Et donc elle a pris ça pour de la drogue. Et ensuite, elle a eu l'idée d'engager quelqu'un pour s'introduire dans la maison, voler la supposée cocaïne et tuer les occupants. Ah. Une sacrée jeune fille, quand même. Et un informateur qui était au courant du complot a balancé l'affaire à la police, qui a organisé une rencontre avec la jeune fille. Donc là, il y a... Bonjour, je suis tueur en série. Voilà, il y a un policier qui s'est fait passer pour un tueur à gages. Et donc, il s'est fait conduire par la jeune fille au domicile des quatre personnes. C'est eux. Ce qui fait qu'en fait, ils voulaient faire d'une pierre deux coups. Ils voulaient arrêter la fille qui voulait tuer des gens et arrêter en même temps les trafiquants de drogue. Sauf qu'ils se sont aperçus que c'était juste les trafiquants de fromage. Et donc la jeune fille, elle s'est retrouvée sous les barreaux. Ils sont en prison là pour un trafic de vaches. Et alors, l'histoire d'après se passe à Berlin. Et une histoire assez extraordinaire, puisque c'est une pause pipi qui a permis à un Allemand ivre de survivre. Une histoire assez incroyable. Donc c'était un Allemand qui était assoupi dans un conteneur de déchets en plastique. Après avoir fait la fête. Voilà, il avait trop bu. Donc il avait 47 ans, cet homme-là. Il avait tellement bu mardi soir pour fêter la Saint-Nicolas qu'il s'était réfugié dans une benne à ordures pour se protéger de la pluie. Et avant de s'endormir. Et donc il était encore dans sa benne au petit matin, au moment du ramassage des ordures. Et là, l'éboueur qui venait de mettre en marche la presse à ordures. Alors. Donc il était déjà dedans, là, le mec. Il faut comprendre que l'éboueur est arrivé avec son camion. Il a vidé la poubelle, le conteneur dans la benne. Ça veut dire que le mec, notre ami de 47 ans, est tombé dans la benne. Et là, l'éboueur a actionné la presse. Il allait l'actionner. Donc ça a commencé... Alors non, il a actionné. Et elle commençait... Ensuite, il est sorti pour aller pisser. Et là, il a entendu quelqu'un grogner dans la benne. Oh. Alors, il a vite arrêté la presse. Et il a réussi à sauver ce mec. Mais si jamais il n'était pas sorti pisser, évidemment, les grognements auraient été largement couverts par le bruit de la presse et il aurait fini donc en cracotte. Et c'est, voilà. Et on l'aurait peut-être jamais retrouvé en plus. Sûrement. Ce mec aurait disparu et on n'aurait jamais su comment. Donc, voilà. Il aurait été enlevé sûrement par des extraterrestres. Probablement, oui, ils auraient fait ça. Alors ensuite, on part à Istanbul c'est directement. On part. C'est l'excuse officielle. Quoi qu'il arrive, c'est un ballon sonde. Rappelez-vous-en, c'est important. Donc l'histoire d'après se passe en Turquie à Istanbul et c'est un Turc, un malin. On peut appeler ça un malin. Un Malinou qui s'est enfui avec la femme de son meilleur pote. Ça, c'est insolite. Mais alors attention, donc la femme en question avait 18 ans. Il est parti avec elle, et à la base, elle est allée faire du shopping dans une ville un peu plus au sud. Et finalement, elle a disparu. Alors son mari, il ne comprenait pas. Et le lendemain matin, son pote l'appelle pour lui dire « Oui, c'est moi qui suis parti avec ta femme. » Prends la mienne. Je l'ai laissée à la maison. Elle est dans le placard. Prends la mienne. Sur l'étagère du haut. Alors bon, le mari choqué de cette déclaration a dit ensuite qu'il était prêt à pardonner à sa femme de 18 ans si elle revenait. Et par contre, la femme du mec qui s'est barré, elle a préféré pas faire de commentaires. Mère de 3 enfants. Le mec, il a essayé de marchander une de 18, peut-être contre deux de 36 ou je ne sais pas, ou l'inverse. Et donc voilà, ça n'a pas marché, le marchandage à la turque. Ensuite, qu'est-ce que nous avons à Oslo, en Norvège? Alors là, une belle coïncidence. Il y a quelques semaines, c'était l'émission des coïncidences. En voilà une assez fantastique. Alors, c'est le jeune Vegard Jastad, hein, un bon Norvégien qui se respecte, qui délivrait une pizza dans la ville de Alsund. Et la veille, il venait de se faire piquer sa carte de crédit. Donc, il va livrer cette pizza. Et quand il arrive à la porte, le client ouvre, paye. Sauf que sur la carte de crédit qu'il présente, c'était la photo du livreur qui venait de se faire voler sa carte. Et le gars n'a même pas calculé que c'était la photo du livreur qui avait sur cette carte volée. Le livreur, bien sûr, lui, il a tout de suite fait le rapprochement, mais il a rien dit, il a pas voulu jouer les héros. Il a redonné la carte, et merci monsieur. Il est allé appeler la police, qui sont venus saisir le mec et qui ont trouvé beaucoup d'autres choses volées. Quand même la coïncidence de tomber sur le client qui avait volé la carte la veille. Donc voilà. Carte qu'il avait perdue par Vegard. Il s'était fait voler. Ah oui, d'accord. Par ce mec, probablement. Il y avait un jeu de mots. Une vanne pourrie, on l'oublie. Oh là là, parce que j'avais déjà oublié qu'il s'appelait Vegard. Vegard, j'essaie d'éviter de me rappeler de tous les noms des gens qui y a dans ces infos, parce que sinon je meurs. Donc Vegard Jastad. Ensuite, à Sao Paulo, le maire de Biritiba Mirim, rappelez-vous bien de cette ville, dans la banlieue de Sao Paulo, a décrété une interdiction de mourir dans cette commune jusqu'à nouvel ordre, faute de place dans le cimetière municipal. C'est pas mal, ça. Alors, donc, un projet de loi va être examiné par l'assemblée municipale, hein, indiqué l'adjoint au maire. Et donc, il s'agit de protester contre le fait qu'on ne peut pas faire un second cimetière dans cette ville. Donc, le maire a déclaré qu'il était interdit de mourir. Maintenant, on se demande si ça sera puni de mort. Puni de chaises électriques. Est-ce que les contrevenants vont être condamnés? On ne sait pas. Voilà, c'est quand même assez magnifique. Et alors, oui. Le mieux, ça serait quand même de mettre une amende à la famille du mourant. Tiens, t'en prendras si tu vas payer maintenant. Putain. Histoire d'avoir de l'argent. Alors là, ça c'est pas tous les jours que ça arrive. On a l'impression qu'on a réussi à faire le tour de tous les animaux, de toutes les espèces à la surface oui. de cette planète. Je ne connais tous les animaux de la planète. Moi. Je sais bien. Et on sait qu'on découvre régulièrement des insectes, hein, parce que bon, il y en a des milliards. Mais par contre, c'est beaucoup plus rare de trouver des mammifères. Hein. Et là, c'est ce qui s'est passé. De 2 mètres de haut. Ils ont trouvé un nouveau mammifère, une nouvelle espèce, à Bornéo, dans la jungle de Bornéo. C'est la WWF, rappelez-vous, hein, vous aviez des petits autocollants du panda quand vous étiez oui. petit. Et bien, finalement, avec toutes les thunes qu'ils ont gagnées avec vos autocollants... Ils ont trouvé un animal. Eh ben, ils font des voyages, et là, ils ont trouvé... Pas confondre avec ceux du catch. Oui, voilà, exactement, parce qu'il y en a un, c'est un panda, et l'autre, c'est Hulk Hogan, alors attention. Et donc, dans cette forêt dense de Bornéo, ils ont trouvé un animal, et ils l'ont pris en photo, il y a deux clichés, assez furtifs, on voit la bête passer, et c'est une bestiole à mi-chemin entre le lémurien, mais le lémurien, attention, il existe qu'à Madagascar, donc c'est pas un lémurien. À mi-chemin entre le chat, le rat, le lémurien, avec une longue queue. C'était toi, Mick Hogan ? Et Hulk Hogan. Avec une longue queue énorme et une tête de chat rat lémurien. Et donc voilà, ils sont sur le coup, moi j'essaie de le retrouver. Et alors, il y en a qui disent qu'en fait, c'est pas une nouvelle espèce, mais une espèce disparue depuis les années 50. qui n'était pas en réalité disparue. Elle s'était cachée. Elle s'était cachée. Et voilà, donc c'est quand même drôle parce qu'on se dit que finalement, il restait encore peut-être beaucoup d'espèces comme celle-là, de mammifères qu'on ne connaît pas. Et c'est encore plus vrai pour le fond des océans, voilà. puisque bon, 90% des créatures vivantes vivent dans l'eau. Et donc, il doit y avoir des tonnes de trucs. Tiens, d'ailleurs, ça je ne l'ai pas noté, mais j'y pense. Il y a une invasion en ce moment au Japon, sur une certaine côte, de méduses géantes qui font 200 kilos. Ça, c'est pas la petite méduse de maman. Et 200 kilos, énormissime, avec suffisamment de poison pour tuer une armée. Et c'est immonde, c'est vraiment horrible. On dirait une invasion d'aliens, mais sous-marins. Donc voilà, en ce moment au Japon, et ils savent pas pourquoi. Tout à coup, elles se reproduisent à fond. Il y a une vague de ces méduses géantes, et c'est assez impressionnant. Ah oui, la doyenne de l'humanité, qui n'a pas battu Jeanne Calment. Et là, on en a une de 116 ans, ce qui est quand même pas mal non plus. Une équatorienne, qui a été donc... officiellement reconnue comme la doyenne de l'humanité par le Guinness Book. Et elle a une bonne vue, elle est capable de lire les journaux, de regarder la télé, elle a pas besoin de canne pour marcher. C'est mieux foutu que le R2D2 télécommande. Et là où ça fout le vertige, c'est de se dire qu'elle est née le 14 septembre 1889 à Guayaquil. Elle est née il y a deux siècles. Et elle vit toujours, en plus elle a jamais bougé de ce bled. Son mari est décédé en 1949, à un âge normal, je dirais. Hein ouais. Il a pas attendu, lui. Et elle a eu 5 enfants, 4 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants, 2 arrière-arrière-petits-enfants. Et alors là, la phrase qui fait tiquer, c'est au début du 20e siècle, quand elle était adolescente, elle aimait aller dans les fêtes où elle ne buvait jamais une goutte d'alcool. Voilà, au début du 20e siècle, cette femme était adolescente. C'est la seule peut-être qui a connu les années 1800. Il est fort possible que ce soit une des 3 dernières, en tout cas, qui ait connu le 19e siècle, oui, ça c'est clair. Et alors, dire que j'ai connu le 20e siècle. Alors j'ai encore autre chose là. Et alors c'est quand même c'est vieux, Mika. C'est une mauvaise nouvelle. Hein, je préfère vous prévenir tout de suite. Ça peut vous plomber la soirée. Ah. Hein, si vous voulez couper tout de suite, c'est maintenant. J'enlève mon casque. Alors Apophis. Apophis, c'est son nom. Apophis, en réalité, c'est le nom d'une divinité égyptienne, le dieu de la destruction. Voilà. Et Apophis, c'est aussi le nom d'une météorite qui devrait malencontreusement croiser notre trajectoire en 2036. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ris quand je dis ça. Et c'est très drôle. Peut-être... Ça va écraser la moitié de la planète. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Hein. Donc, rassurez-vous, haut les cœurs. Ça ne tombera pas sur le studio de Rage. Déjà, il vous reste 31 ans. Donc c'est quand je même vais pas bouger dégueulasse. L'antenne. C'est pas dégueulasse non plus. Et cet astéroïde présente un risque sur 5000, grosso modo, de nous tomber dessus, ce qui est déjà un petit peu rassurant. Alors ça, c'est là qu'on voit, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Les optimistes se disent, oh bah c'est cool. Les pessimistes se disent, oh putain, une chance sur 5000. Et en fait, voilà. Et donc, tout dépendra du comportement de l'objet lorsqu'il passera à proximité de la Terre en 2029. Et s'il s'engage dans une certaine zone de 600 mètres de large, alors son orbite pourrait être perturbée, et là, il y aurait de fortes chances qu'elle soit placée sur la trajectoire de la Terre en 2036. Donc tout va se jouer en 2029. Il sera encore en vie, Bruce Willis, en 2036. J'espère. Sur l'infini de l'espace, il faut que ça passe dans un couloir de 600 mètres. Le truc, c'est que ce couloir en question, il est quand même bien sur la trajectoire de la chose. Si elle passe dedans, c'est il y a de chances qu'elle enfile la trajectoire de la Terre. Il faut être malin, il faut le boucher. Alors voilà ce qu'ont prévu les scientifiques, parce que la NASA est sur le coup, etc. Parce qu'il faut commencer maintenant. Alors... En 2013, il y aura d'autres mesures, parce que pour l'instant c'est encore assez flou. Donc en 2013, on sera à même de faire des mesures beaucoup plus précises, et selon les résultats, un vaisseau sera envoyé à la surface d'Apophis pour faire d'autres mesures encore. Et là, si les mesures sont catastrophiques et si ça nous dit que Apophis risque de rentrer dans la Terre, alors en 2019, on enverra des vaisseaux. Non, un petit peu plus tard. Entre 2020 et 2030, on enverra un vaisseau pour dévier l'astéroïde de sa trajectoire, et là on sera sauvé en 2036. Ah, mais ça va alors. Bon, rassurez-vous, c'est quand même peu de chance que ça arrive en même temps. Et puis même si ça arrive, donc. Et puis entre temps, on aura eu le temps de créer un gros laser pour détruire cet astéroïde. Voilà. Et si jamais ça arrivait. Hein, que l'astéroïde passe dans sa zone de 600 mètres et qu'on n'arrive pas à le dévier, bon, il y a vraiment peu de chances pour que ce soit le cas, on aurait droit à un méga tsunami. Hein, là, pour le coup, bah, ça serait exactement ce qui se passe pas Armageddon, l'autre film, le film là-dessus. Le jour d'après. Deep Impact. Qui se passerait comme dans Deep Impact, il y aurait un méga tsunami, hein, qui inonderait la plupart des villes côtières, évidemment, les villes comme New York, etc., seraient submergées, et ça irait jusque bien profond dans les terres. Et on en subirait les conséquences dans l'atmosphère, puisque donc il y aurait des poussières qui seraient soulevées, et qui feraient donc une espèce de nuit de de quelques mois, et donc ça pourrait tuer pas mal d'espèces. Alors ça serait dans le pire des cas, mais encore une fois, rassurez-vous, il y a quand même peu de chance. Et on aura le temps de se préparer, même. Oui, on a largement le temps, donc ça va. On va assécher les océans. Je suis malin. Bah, tu vas tout boire, vas-y, mets ta dé ce soir. Donnez-moi une paille. T'as des trucs sur le diamètre et tout ça du... Alors j'ai ou une comparaison avec 2 cm de diamètre. J'ai pas le diamètre, sachez que c'est gros. Ouais. Sachez que c'est du gros matos. Mais c'est genre le matos qui a dégommé les dinosaures ou c'est du plus petit. Alors, ils le disent pas ça, hein, c'était pas précisé. A priori, ça serait quand même moins important, hein, parce qu'ils étaient pas bon, ils disaient que c'est quand même tendu, mais ça serait pas l'apocalypse si ça arrive. Ça serait vraiment la merde, mais ça serait pas la fin du monde non plus. Mais donc voilà, hein, rassurez-vous, ça a priori ça devrait passer quand même. Et voilà pour les news insolites du soir avec Thomas. Quand nous préparions cette émission, je lui disais peut-être qu'on pourrait parler, donc éventuellement, de petites expériences bizarres qui nous sont arrivées, parce qu'on a tous fait plus ou moins du spiritisme quand on était ado. Voilà, toi-même, l'ado qui m'écoute, tu fais probablement du spiritisme. En ce moment, si tu écoutes, en ce moment même. Alors, c'est très simple, si tu écoutes cette émission et qu'en plus tu as entre 12 et 18 ans, il y a de grandes chances même que tu fasses du spiritisme. Donc, ou autre chose, mais là, on te laisse faire, on te dérange pas. Voilà. Donc, alors Thomas, tu m'as dit que tu avais vécu des trucs dont inexplicables, alors j'écoute ça. Ouais, non, bah comme tout le monde, hein, j'ai essayé donc tout ce qui est spiritisme, etc. Bon, à chaque fois, ça m'a jamais réellement convaincu. La seule chose qui m'est arrivée vraiment d'étrange, c'était un soir, je devais avoir 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Yeah. Et j'étais à une soirée donc avec des potes, et c'était à la période où on était à fond, donc il me semble que c'était Counter Strike, le jeu ou un truc comme ça. Donc on jouait sur PC. T'avais quel âge ? 15-16 ans, il me semble. C'est vrai qu'il y a à peu près 10 ans, quoi. C'était doux. Ouais. Counter-Strike, ça m'étonnerait. Ah ouais, non, c'est clair. Ah ouais. Bah peut-être, je sais plus quel jeu c'était. Bref, en tout cas, on était à fond. Là, on s'en fout. C'était pote d'ailleurs. D'accord. Ok. Bref, donc on jouait chacun notre tour sur la machine, et un de mes copains donc avait une mobilette qu'il avait garée dehors. Et puis l'heure avançant, il s'est dit que c'était préférable de la rentrer dans le garage. Donc il est parti avec mon copain pendant que j'étais en train de jouer, rentrer la mobilette dans le garage. J'ai joué comme ça pendant vraiment, je pense, pas loin d'une heure ou une heure et demie. Vraiment, j'ai une notion de temps assez énorme. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était toujours pas là et que je commençais à me demander ce qu'il faisait et que je commençais à m'inquiéter, quoi. Donc j'ai commencé à descendre pour sortir, aller vers le garage. Et au moment où j'ai voulu sortir, ils sont arrivés tous les deux en courant. Ils se sont précipités sur les volets, sur les portes. Ils ont tout fermé à clé. Ils ont descendu les volets. Gros moment de panique. Il y en avait un qui était resté plus en décalage derrière, qui arrivait légèrement en retard. Vraiment, enfin, ils avaient un visage de peur. Ils étaient blêmes. Mais j'aurais dit, mais les gars, je comprends pas. Vous avez fait quoi? Ils ont fait, on est arrivé au garage et on a commencé à vouloir rentrer la mobilette. Quand on a voulu refermer le canard du garage, il a résisté. On n'a pas réussi. Et puis d'un coup, il y a eu un grand halo lumineux autour de nous. Qui nous a éclairé. Et là, du coup, on est parti en panique. Vraiment, l'halo lumineux qui venait du ciel, genre un projecteur d'hélicoptère, mettons. Et donc, ils sont partis. Et je leur ai dit, mais les gars, j'ai l'impression que ça fait, je sais pas moi, une heure et demie que vous êtes partis, quoi. Ils nous ont dit, ils me confirment, dans leur version, qu'ils ont l'impression d'être partis 10 minutes, d'être partis chercher la mobilette, être arrivés devant le garage, avoir ouvert le garage, mis la mobilette. Et fermer le garage sans y arriver, et que ça a pris 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Et ils t'ont jamais dit que c'était une blague ? Et ils m'ont jamais dit que c'était une blague. Et sincèrement, vu la tête qu'ils avaient, je pense pas que c'était une blague. Alors maintenant, je sais pas si c'était surnaturel. C'était peut-être justement un hélicoptère de la gendarmerie, tout simplement, qui passait au-dessus. Mais le seul truc qui les fait retarder d'une heure. Voilà, le seul truc que je m'explique pas, c'est ce décalage de temps. Et ce décalage, moi personnellement, je l'ai vécu. Alors, je les vois mal attendre une heure et demie dehors dans le froid en hiver uniquement pour faire une blague, pourquoi pas, mais moi aussi je le ferais, mais en même temps tout le monde n'est pas mis caca. Et moi alors personnellement, comme la plupart des gens d'ailleurs qui cherchent à voir des trucs bizarres, j'en ai jamais vu, à vrai dire, jamais rien vu dans le ciel, quoi que ce soit. Mon père par exemple a vu des trucs bizarres, alors que lui on peut pas faire plus sceptique pourtant. Et donc il a vu des choses très bizarres, notamment un objet. Un ovni, vraiment au sens propre, un objet volant non identifié, quoi. Quand il avait une vingtaine d'années, donc il travaillait dans un bar, et en plus c'était en plein été, donc le bar était bondé, et ça fait qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont vu une espèce d'objet ovoïde passer au-dessus de la route. Un ballon sonde. Et c'était un ballon sonde. Et un objet qui est passé à une vitesse vitesse assez raisonnable, et puis ensuite, hop là, qui a tracé sa route vers l'horizon. Et le lendemain, dans les journaux, les gros titres, c'était un ovni aperçu au Thor, hein, puisque ça se passait au Thor. Un ovni. On sait où t'habites. Probablement un balançon, disait-il. Non, mais voilà, et c'est le genre de truc, et beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas une seule seconde à ce genre de truc-là voient. Parfait. Moi, c'est ce qui m'intrigue le plus, c'est ces visions, on va dire collectives, qui sont quand même plus difficilement explicables. Par exemple, on prend mon cas de figure, mon exemple de tout à l'heure. Moi, je suis convaincu qu'ils sont partis pendant une heure et demie. Rien ne me prouve que, par exemple, moi, j'étais tellement dans le truc, il y a eu une telle panique que de moi-même, j'ai augmenté mon impression d'espace-temps. Ça se trouve, j'ai passé effectivement un quart d'heure devant le jeu vidéo, mais vu le stress, etc., j'ai démultiplié ça. De moi-même, mon imaginaire a pris le relais sur des tas de trucs. On peut l'expliquer, je pense, scientifiquement et au niveau du cerveau assez facilement. Donc, pour ça. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de paranormal derrière. Moi, je suis aussi quelqu'un de très très sceptique. Disons que c'est le seul truc qui m'est arrivé que j'ai pas réussi à expliquer. Et maintenant, après, sur les trucs collectifs, là j'ai quand même beaucoup de mal, même si je pense qu'il y a une explication assez rationnelle derrière tout ça. C'est vrai que c'est assez curieux que tout un groupe de personnes arrive à converger vers la même vision quand même. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer, et dans ces cas-là, les gens essayent de se jeter sur la première explication. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées ou qui ne sont pas est-ce qu'il y a beaucoup de choses inexpliquées ou beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées? Genre, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu m'as perdu, toi, non? Ouais, non, mais je vais expliquer la différence. On peut se tromper une fois. Est-ce qu'en fait, par exemple, dans le cadre de cette vision, c'est pas quelque chose dont on peut expliquer, genre un engin militaire en test, mais qu'on n'explique pas, par exemple, voilà, à la population? On cache des choses. Voilà, on cache des choses, j'en sais rien, mais effectivement, il peut y avoir un secret. Par exemple, un vol de jet qui n'est pas prévu normalement à cet endroit-là pour des raisons de sécurité nationale, et ils ne peuvent pas dire que c'est ça, tout simplement. Il nous reste 40 secondes, 30 secondes. Et vite fait, juste pour dire que la semaine prochaine, justement, peut-être qu'on parlera d'OVNI, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu une vague d'observation, notamment en Belgique, d'un OVNI triangulaire. Récemment, l'armée américaine a parlé d'un engin expérimental qui avait étrangement la forme de cet OVNI observé par des centaines de personnes à l'époque. Donc c'est vrai que parfois, il y a des trucs pas expliqués. Et voilà. Merci les gars, à la semaine prochaine, je vous embrasse et je vous dis bye, restez sur Rage. Exocet. Le bizarre, l'inclassable.